Bienvenue dans ce 11e numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et aujourd'hui je vais vous parler de Purple Haze de Jimi Hendrix. Hendrix naît le 27 novembre 1942 à Seattle. Bon, son enfance c'est pas terrible, à cause de la Seconde Guerre mondiale, son père il s'occupe de lui qu'à partir de ses 3 ans. Ils ont des problèmes d'argent, d'alcoolisme, Jimmy est régulièrement battu aussi. Ses parents divorcent quand il n'a que 9 ans. Il se réfugie alors dans la musique, dans un premier temps il fait qu'écouter tous les grands classiques de l'époque, comme B.B. King, Muddy Waters. Son père avait remarqué qu'il était intéressé par la guitare parce que quand il lui faisait faire le ménage, il retrouvait plein de poils de ballet au pied de son lit. Bon, en fait Jimmy il jouait du ballet quoi, en écoutant les disques de son père, et du coup pour commencer, son père lui offre un vieux ukulélé à une corde. Bon, c'est toujours ça. Hein. Après le décès de sa mère, quand Jimmy n'a que 15 ans, son père lui achète sa première vraie guitare. Et c'est là le début d'une formidable histoire d'amour. Jimmy refoule toutes ses émotions dans l'instrument. Il sait pas lire les notes, mais il apprend à jouer en autodidacte. Et il passe tout son temps libre à jouer, il dort même avec sa guitare. Rapidement, il fait partie de groupes qui jouent des reprises dans des clubs de Seattle. Bon, au début, il est très timide et il reste en retrait au fond de la scène. Il n'arrive pas à affronter le public. Puis finalement, son don pour la musique, ça prend le dessus. Et quand il joue dans un groupe, on entend et on voit que lui, quoi. La scène devient son monde. Après divers embrouilles avec l'école et son père aussi, puis de toute façon, il a plus grand-chose à apprendre de Seattle, il veut quitter la ville. Pour ça, il s'engage dans l'armée, où il est parachutiste dans la 101e division d'aéroportée. On est entre la guerre de Corée et celle du Vietnam, donc une période relativement tranquille, et il a le temps de monter des groupes au sein de l'armée. Mais au bout d'une grosse année, il en a un peu marre. Enfin, ça, c'est un peu le défaut de Jimmy, d'ailleurs. Il se lasse très vite. Bon alors le hasard fait qu'il se casse la cheville lors d'une réception d'un saut, du coup il est libéré de ses obligations militaires et il part refaire de la musique, d'abord à Atlanta et puis ensuite à New York. Il est toujours musicien accompagnant quoi, il côtoie du beau monde comme Ike et Tina Turner, Sam Cooke ou Little Richard. Mais ça lui suffit plus, il veut faire son propre truc. En 1965 il commence à avoir une bonne réputation dans les petits clubs du Greenwich Village et il attire l'attention de Chas Chandler, l'ancien bassiste de The Animals, reconverti en manager, producteur, et qui l'emmène avec lui à Londres, en fin d'année. Partir là-bas, c'est synonyme de liberté pour Jimmy, donc il fonce. Quoi. Chas Chandler le fait passer dans les clubs de Londres, et en à peine quelques mois, il passe de nouveautés locales à artistes au top. Des gens comme Keith Richards, Paul McCartney, Pete Townshend ou Eric Clapton viennent l'admirer, parfois le jalouser. Le succès est là, mais pour qu'il soit complet, il lui faut son propre groupe, ses propres textes. Et c'est à cet instant que Chas Chandler crée le Jimi Hendrix Experience, composé du batteur Mitch Mitchell et du bassiste Noel Redding. Ils se connaissent à peine et répètent juste quelques heures avant de donner leur premier concert. Et c'est en France, en première partie de Johnny Hallyday. Ils sortent rapidement leur premier single, Hey Joe, qui est une reprise, c'est une tactique de Chas pour qu'ils puissent rapidement passer à la radio nationale et se faire connaître. C'est un succès car ils vont rester 10 semaines dans les charts anglais, montant même jusqu'à la 6ème position en début 1967. À la suite de ce single, ils sortent rapidement leur premier album, Are You Experience, d'où est extrait le morceau Purple Haze. La chanson a été composée en décembre 1966. Jimmy répétait un nouveau riff et Chas, en l'entendant, a tout de suite compris le potentiel de ces quelques notes. Et selon la légende, le reste a été écrit dans les coulisses d'un club londonien le 26 décembre, juste avant un concert. Les paroles sont inspirées par une seconde passion d'Hendrix, c'est la science-fiction. Il en lisait beaucoup à un moment, et il disait même qu'il avait plus de bouquins que de vêtements. Et donc, Purple Haze se serait inspiré en partie par une nouvelle Night of Light de Philip José Farmer, qui se passe sur une planète où un rayon violet désoriente les gens, et d'un rêve où Jimmy marchait sous l'eau dans un brouillard sans savoir où il était. En fait, la chanson aurait pu être beaucoup plus longue. Jimmy avait écrit des pages entières qui décrivaient l'exploration détaillée de ce paysage, mais Chas a préféré que Jimmy coupe tout ça pour garder juste les vers courts, faciles, qui marquent les esprits rapidement. Du coup, on se retrouve avec une chanson qui parle simplement d'une histoire d'amour, du pouvoir de l'amour, quoi, qui fait tourner la tête. Non, ça sera peut-être pour une autre fois. Beaucoup de gens pensent que ce serait une ode à une variété de marijuana, la Purple Haze. Ouais, Jimmy est connu aussi pour sa consommation excessive de drogue, mais en fait, c'est pas du tout ça. La variété de drogue a été baptisée en l'honneur de la chanson, pas l'inverse. Les vers « Excuse me while I kiss the sky » est souvent sujet à confusion. On pourrait entendre à la place « Excuse me while I kiss this guy »,« Excuse-moi quand j'embrasse ce garçon ». Et Jimmy s'en amuse sur scène en interprétant lui-même les mauvaises paroles, et en lançant des regards à un des autres membres du groupe, il avait beaucoup d'humour. Le morceau sort le 17 mars 1967 en Angleterre, et le titre rentre dans les charts dès le 23 mars. Bah, au-delà du succès commercial, la chanson est une réussite artistique majeure, où Jimmy montre tout l'étendue de son talent, que ce soit comme guitariste, interprète, compositeur, arrangeur. Sur ce morceau, il utilise toute sa palette de maîtrise des effets, d'amplification. Et ça ne ressemble à rien qui a été fait auparavant, quoi. Le morceau reste toujours à l'heure actuelle une énorme source d'inspiration pour d'innombrables artistes, et il est considéré comme l'un des précurseurs du hard rock. Allez, donne un coup de poing, toi. Purple Haze est l'une des chansons les plus reprises du répertoire d'Hendrix, alors on va commencer par une version de Frank Zappa, un grand artiste américain qui maniait lui aussi à merveille les effets sur ses morceaux. It just doesn't seem the same. Oh, I acting funny, and I doesn't know why. Excuse me while I kiss this guy. Purple haze all around. Don't know if I'm going up or down. Am I happy or in misery? What is this doll put a spell on me? Hit me, scratch me. Listen here. On continue avec une version heavy metal avec le légendaire Ozzy Osbourne au chant et Zakk Wylde qui est encore à la guitare. We'll be right back. Et maintenant, c'est une version instrumentaliste d'un autre génie, un génie de la basse, Marcus Miller, avec le saxophoniste David Sanborn. C'est une version française, enfin québécoise, du groupe The Haunted. Pardon quand j'embrasse le ciel. Je te sors sur moi. Oh non. Oh non. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. L'émission est dispo sur PodCloud, sur PodRadio, sur iTunes, sur YouTube et sur le tout nouveau site 82bpm.com. La bise au Milou. Et vous pouvez me contacter sur Twitter @yannickdoc ou @82bpmpodcast. Je vous laisse avec un live de 1967 et je vous conseille d'aller voir la vidéo. Je la mettrai en lien dans l'article et... Jimi Hendrix est au sommet de son art, il fait la totale, vibrato, larsen, amplification, il joue même avec les dents. Il n'est pas encore une méga star et à la fin on voit le public qui est assez abasourdi, c'est marrant à voir. Bon allez, à bientôt. just the end of time.